Ça c'est des jours d'une de gagne. Oh. Hey, hey. 21 pays, j'ai quitté l'école. Combien de fois je me suis fait virer? Je comptais mon zéro pendant les heures de colle. La bicrame me fait chavirer. Je passais des heures avec ton téléphone. Tu me suppliais d'arrêter. Mais il me faut du bip, il m'en faut des tonnes. Tu m'as dit de choisir mon bébé. Soit la bébé ou soit moi. Tu m'as dit de choisir mon bébé. Soit la bébé ou soit moi. Tu m'as dit de choisir mon bébé. Soit la bébé ou soit moi. Tu m'as dit de choisir mon bébé. Soit la bébé ou soit moi. Faut que je passe de l'amour là. De l'amour là. De l'amour là. Faut que je passe de l'amour là. De l'amour là. De l'amour là. Faut que je passe de l'amour là. Préfère acheter des sables que te voir déshabillé. Elle m'aurait pas choisi si j'avais pas un billet. Moi j'achèterais pas mon business pour personne et ça t'empêche de sourire, bébé. Tu le sais mieux que moi, mais tu n'as pas cessé de me dire, bébé. Sois la bibi ou sois moi. Tu m'as dit de choisir mon bébé. Sois la bibi ou sois moi. Tu m'as dit de choisir mon bébé. Sois la bibi ou sois moi. Tu m'as dit de choisir mon bébé. Sois la bibi ou sois moi. Là c'est l'heure des comptes, je vais tous les gifler. Il part tout chinois quand il faut payer. Quand je vais faire du sale, vous ne devez pas payer. Faut que je passe de l'amour là.